Audiomatique. pièce qui introduisait la transmission 002 d'Audiomatic de ce mercredi 1er octobre 2014 est composée par le projet Oil 10. Il s'agit de la pièce High Adventure tirée de l'album Beyond. Les électronistes qui sont heureux de vous accueillir à nouveau cette semaine pour vous présenter des suggestions musicales qui, espérons-le, sauront vous exposer le large spectre de la musique électronique, et ce, peu importe les époques. Pour ceux et celles qui n'auraient pas eu l'opportunité d'entendre la transmission 001 de l'émission Audiomatic, sachez que vous pouvez l'écouter en différé. Vous trouverez le lien en visitant notre page sur Facebook à Audiomatic CFOU. La prochaine séquence sera amorcée par le compositeur français Emmanuel Mario, qui se fait aussi connaître sous le pseudonyme Astro Ball. He came from the white from the white road. these wandering dreams of the wrong road, dress gold and green, it lies here. Yeah. audiomatique, nous avions droit à la musique de Grizzly Bear, de qui nous entendions Sleeping Youth, ici remixé par l'artiste américano-chilien Nicholas Jar, tiré de l'album Shields Expanded. Et nous débutions avec Astro Ball, qui s'orthographie avec un seul L, le projet du français Emmanuel Mario, qui est comédien et compositeur. Il a entre autres travaillé avec Laetitia Sadier de Stereolab et nous offrait la pièce Will, featuring King Alone, remixée par son compatriote Thomas Terrien sous le nom de Tom Terrien Blurry Sunday Mix, paru sur l'album Reworked sur étiquette Plug Research. La version originale se retrouve sur son album Poetry and Science Fiction. À travers les transmissions hebdomadaires d'Audiomatique, les électronistes souhaitent faire pénétrer les auditeurs dans une réalité construite à partir de sons synthétiques, analogiques, organiques et électriques. Ce qui nous amène à retourner en arrière, à aller découvrir des compositeurs ayant posé leur base de la musique que nous écoutons aujourd'hui. D'ailleurs, la prochaine séquence musicale sera faite de 3 pièces, composé par des artistes considérés comme ayant un impact majeur sur divers courants actuels de la musique électronique. D'abord, nous vous présentons un artiste français bien connu, souvent cité comme une influence majeure par ses contemporains. Il s'agit de Jean-Michel Jarre, dont la pièce « Oxygène » fut une révélation pour plusieurs en 1976. Cette longue pièce est divisée en 6 parties et vous allez avoir le plaisir d'écouter la seconde partie. Ensuite, nous avons été fouillés encore plus loin dans les archives de la musique électronique, en 1952 plus précisément, pour trouver une pièce fascinante du compositeur Herbert Eimert, une pièce qui se nomme « Klangstudies 2 ». À cette époque, les artistes qui expérimentaient avec des sons synthétiques étaient presque vus comme des scientifiques. Loin des technologies actuelles, l'acte de composer était laborieux, les outils étaient primitifs et toute erreur technique pouvait prendre des heures à corriger. On dit même que certaines pièces composées par M. Eimert, d'une durée de 2 à 3 minutes, pouvaient prendre jusqu'à 6 mois à réaliser en studio. Il va sans dire qu'il faut aborder ces compositions historiques avec une grande ouverture d'esprit et aussi avec un désir de connaître les origines profondes de la musique électronique. Et nous terminerons enfin cette séquence avec la formation Cabaret Voltaire qui interprétera la pièce Black Mask produite en 1981. Nous vous en dirons plus long sur cette formation après justement cette séquence musicale. Allons-y donc à l'instant avec Jean-Michel Jarre et la seconde partie de sa composition Oxygène. Thank you. Audiomatic, cette séquence à caractère historique se concluait avec la formation britannique Cabaret Voltaire, dont vous entendiez la pièce Black Mask de l'album Red Mecca, paru en 1981. Cabaret Voltaire fut une formation très influente pour les courants de musique industrielle et post-punk, même si elle a précédé la naissance officielle du mouvement punk. En effet, Cabaret Voltaire expérimentait déjà dès 1973 en créant, dans une esthétique dadaïste, une musique expérimentale électronique rock qui sortait de l'ordinaire, on peut dire. Le nom du groupe réfère d'ailleurs au lieu prisé par les dadaïstes. Les dadaïstes qui étaient un mouvement artistique subversif du début des années 1900 et dont la figure de proue est évidemment Marcel Duchamp. Avant cela, vous écoutiez le compositeur Herbert Eimert et sa pièce intitulée Klang Studies Vi, créée en 1952. Vous aviez été avertis, chers auditeurs, que cet assemblage sonore serait difficile à écouter. Néanmoins, sa valeur historique valait la peine d'y porter attention, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on peut entendre une composition électronique réalisée il y a plus de 60 ans. Mentionnons aussi que cette pièce est publiée sur l'excellente anthologie dédiée à l'histoire de la musique électronique, une anthologie qui est parue sous le titre Home, The Early Gurus of Electronic Music, Home, O-H-M. Et en introduction de la séance musicale, en fait de la séquence musicale, vous vous laissiez guider par les sons et mélodies de la pièce Oxygène de Jean-Michel Jarre. Comme vous le savez déjà sûrement, Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, a fait paraître vendredi dernier son deuxième album solo intitulé Tomorrow's Modern Boxes sur le site BitTorrent Bundle. Depuis quelques années, on parle en grande pompe des manières atypiques qu'utilisent Thom Yorke et sa bande pour le lancement de leur album. Il faut comprendre que l'industrie de la musique est en constante mutation depuis plusieurs années et que les artistes expérimentent non seulement musicalement, mais également au niveau de la distribution, de leur musique jusqu'à l'auditeur. Mais puisqu'à Audiomatic, c'est la musique qui importe, nous lui laissons toute la place. This is where we begin. So we go back again. Slap jaw was planned. Biting at anatomy. It was just a fracture. Time is cyclical. Touch of both the wings. sense, spitting feathers, talking in tongues, swiveling heads. Audiomatique se poursuivait avec une séquence dédiée à l'œuvre solo de Thom Yorke. La séquence se terminait avec The Drunk Machine, chanson parue sur le single Harrow Downhill, qui était le premier extrait de son premier album The Eraser. Tout juste avant, il s'agissait de la collaboration entre Burial, Fortet et bien sûr Thom Yorke avec la chanson Mirror, et on débutait avec Guess Again, pièce tirée de son plus récent album Tomorrow's Modern Boxes. Nous concluons la transmission audiomatique de ce soir avec une collaboration entre le projet Ojob et l'artiste The Horrorist. Ils nous offrent leur pièce The Dancer. Les électronistes vous invitent à s'intoniser C'est fou mercredi prochain dès 18h pour la transmission 003 d'audiomatique. Restez à l'écoute car les audacieuses suivent à 19h. Der Spiegel. Der Spiegel. Ich schaue in den Spiegel. Mein Kleidung ist perfekt. Mein Kleidung ist perfekt. Ich liebe meine Stiefel. Meine Kleidung ist perfekt. Perfekt. Johnson. Ich will tanzen. Ich will tanzen. Ich trage schwarz. Ich trage schwarz.